David, le berger devenu roi. Page 40. Après sa longue marche au désert, le peuple d'Israël s'est enfin installé au pays de Canaan, la terre de la promesse. Mais la vie n'y est pas aussi facile qu'il avait espéré. Les peuples voisins ne cessent d'attaquer les Hébreux, et le roi Saül, qui est à leur tête, peine à se faire obéir et à écarter les ennemis. Le peuple a besoin d'un roi puissant et respecté pour les garder unis, prendre des décisions et les défendre. Dieu connaît celui qui sera un bon roi pour succéder à Saül. Il envoie le prophète Samuel le chercher et le bénir avec de l'huile sainte qui le marquera de son esprit. « Va chez Jessé, à Bethléem, dit le Seigneur à Samuel. J'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne remplie d'huile et pars. » Lorsqu'il arrive dans la maison de Jessé, Samuel rencontre Éliab, le fils aîné. Éliab est grand et fort. Jessé pense aussitôt, « Ce doit être lui que le Seigneur a choisi pour être roi. » Mais Dieu lui dit alors, « Je ne regarde pas la haute taille ni la belle figure des hommes. Je regarde leur cœur. Éliab n'est pas celui que j'ai choisi. » Jessé fait venir ses 6 autres fils devant Samuel. Ils sont tous bien bâtis et très beaux. Mais Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. « N'as-tu pas un autre fils ?» demande Samuel à Jessé. « Il reste David, le plus jeune, » répond-il. « Il est au champ pour garder le troupeau. » « Qu'il vienne, » dit alors Samuel. David arrive quelques instants plus tard. Il est jeune, ses cheveux sont roux, il a des yeux magnifiques et il est beau. Dieu dit à Samuel, « C'est lui, donne-lui l'onction. » Samuel saisit la corne d'huile, demande à David de s'agenouiller devant lui et lui marque le front de l'huile bénie. Aussitôt, l'Esprit Saint emplit David. Telle est la volonté du Seigneur. À la mort de Saül, David deviendra roi. Mais David n'attend pas d'être roi pour faire des merveilles. Il est intelligent et courageux. Lorsqu'il apprend que l'armée d'Israël est menacée par les Philistins et leur chef Goliath, il n'hésite pas à les défier. « Je vais aller combattre ce géant !» lance-t-il. « Le Seigneur est avec moi. Il me sauvera des mains de ce Philistin !» David prend sa fronde, choisit 5 cailloux bien ronds qu'il met dans son sac et s'avance jusqu'à Goliath. L'homme est immense. Lorsqu'il marche, la terre tremble sous ses pas. Sa voix puissante glace le sang de ses adversaires. Face à lui, David est si petit que Goliath pourrait le broyer d'un seul coup d'épée. Pourtant, le jeune garçon n'a pas peur, car Dieu est avec lui. « Penses-tu vraiment pouvoir me battre ?» ricane Goliath en l'apercevant. « Tu oses te présenter devant moi avec cette vulgaire fronde ?»« Approche un peu, je vais t'écraser et je livrerai ton corps en pâture aux bêtes sauvages !» David regarde Goliath avec assurance. « Tes armes sont nombreuses, tandis que je n'ai qu'une fronde, » fait-il remarquer. « Mais moi, je marche avec le Seigneur à mes côtés. Je te battrai, et le monde connaîtra que le Dieu d'Israël est puissant. » Aussitôt, David prend un caillou dans son sac, le place dans sa fronde, tire et atteint Goliath en plein front. Le coup est fatal. Alors que personne ne s'y attend, Goliath, le géant, chancelle, puis s'écroule à terre. Il est mort. Voyant que leur chef est battu, les Philistins, terrorisés, prennent la fuite sans attendre. David a sauvé le peuple avec le secours de Dieu. À la mort de Saül, David devient roi comme le Seigneur l'a voulu. Et il continue de faire de grandes choses. Pour régner sur tout Israël, il s'installe à Jérusalem et y fait porter l'Arche d'Alliance contenant les tables de la loi que le Seigneur a données à son peuple. David veut ainsi montrer aux hommes que Dieu est son seul guide. L'Arche arrive dans Jérusalem lors de formidables réjouissances. Le peuple est en fête. Il acclame le Seigneur. À l'avant de la procession, David a quitté ses vêtements royaux pour un simple pagne de lin. Il chante et danse pour honorer son Dieu, son maître. Dieu aime profondément le nouveau roi. Même si David n'est pas parfait, il lui arrive aussi de faire le mal. Pourtant, même quand il commet une faute, il sait la reconnaître et demander pardon au Seigneur. Dieu aime David qui se fait tout petit devant lui, même s'il est roi. Alors, Dieu lui pardonne. Il façonne son cœur pour lui montrer le chemin de la vérité et faire de lui un homme bon, un roi juste et respecté de tous. Avec le Seigneur à ses côtés, David devient un grand chef, le plus grand qu'Israël ait jamais connu.